toujours sur les pères qui sont ailleurs, qui ont mieux à faire. Ex-petit frère ou grand frère, futur roi du laisser-faire. Expert qui désespère de n'avoir pu joindre le goût à la mer. Mais vers quelle triste mer vogueront nos galères. J'ai pas les mots pour le dire. J'ai la maladie du maladie. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas les mots pour le dire. Je voulais faire une chanson sur la famille, sur le bon mot qui torpille, broutilles et banderies, réflexions qui fusillent. Je me fais du souci pour toi, avec tout ce qu'on a fait pour toi. Mais à qui donc s'adresse toutes ces maladresses? J'ai pas les mots pour le dire. J'ai la maladie du mal à dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas les mots pour le dire. Entre les mots doux, les acides. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas les mots pour le dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas les mots pour le dire.